plage. Le soleil bronzait ton visage. Ton cœur revoit ton image. Oui, mais ce n'est qu'un mirage. Depuis, tu sais, ma vie a bien changé, Sylvie. Car dès que la saison fut terminée, l'on s'est quitté à tout jamais. Sans bien savoir que l'on s'aimait, sans bien savoir que l'on s'aimait. Pour moi, cet hiver à Paris semblable, plus triste et plus gris. Mon cœur était bien désolé. Les rues n'avaient plus d'attrait. Pour moi, la vie sans toi ne vaut plus rien. Moi, oh oui, ton amour es-tu tout. Mon vrai bonheur et ma seule joie. Sur cette terre, tu es à moi. Sur cette terre, tu es à moi. Un espoir surgit en mon cœur. L'éveil d'un nouveau bonheur. L'été bientôt va paraître. L'amour pour nous va renaître. Car moi, comme l'an passé, je serai là pour toi. Et toi, tu m'attendras. Je serai là, rien que pour toi, je serai là, rien que pour toi. Je serai là, rien que pour toi, je serai là, rien que pour toi.